Je suis Adrien Arcan, bienvenue à nos micros. Et nous allons commencer, voici, il y a deux points qui ont surpris nos auditeurs et nos auditrices. Vous avez déclaré que nous étions à la veille d'une guerre. Vous avez dit que la guerre était presque inévitable. Est-ce exact? Oui, parce que nous sommes en pleine révolution mondiale. Et cette révolution-là n'est pas finie. Ceux qui l'ont étudiée dans ses origines, les guerres d'ailleurs que nous avons eues, sont des guerres civiles, des Blancs s'entretuant. C'est une guerre contre leur civilisation, la première, 14-18, comme je l'ai dit, où tout le monde a perdu et où le communisme a été le seul gagnant, s'installant en Russie. Deuxième guerre mondiale, écroulement des empires de l'homme blanc, expulsion de l'homme blanc d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, de partout, et expansion du communisme sur 1 milliard d'êtres humains. Maintenant, il s'agit de compléter le cercle, de finir la tragédie qui demande un troisième acte. D'ailleurs, un homme aussi renseigné comme Paul VI, l'homme le plus renseigné de la Terre, ça fait au moins 15 appels angoissés qu'il fait aux hommes d'État pour la paix mondiale. Mais comme ce n'est pas lui, ce ne sont pas les forces du christianisme qui ont l'initiative de l'action, c'est plutôt l'antichristianisme. Alors, est-ce qu'ils l'écouteront? J'en doute. Alors, vous considérez qu'actuellement, il se fait une guerre contre la croix du Christ. C'est surtout ça, le renversement de la civilisation chrétienne occidentale. Il n'y a pas de civilisation sans culture. La culture, c'est l'âme. La civilisation, c'est son expression. Et il n'y a pas de culture sans culte. Et quel est le culte à la base de la haute culture occidentale? C'est le christianisme. Maintenant, M. Arcan, vous avez également dit que dans quelques années, la capitale mondiale serait Jérusalem. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai dit, j'ai lu ça dans des livres juifs. C'est M. Ben-Gurion qui l'a dit. C'est dans le magazine Look de février 1962. C'est dans Adolphe Crémieux, il y a 80 ans. Enfin, les auteurs n'arrêtent pas, ils ne s'en cachent pas. Et ils nous disent, vous ne pouvez pas empêcher ça. Ils nous le disent. Et pour que Jérusalem arrive capitale mondiale, il faut détruire les autres. Vous avez la capitale de gauche, Moscou, et vous avez la capitale soi-disant de droite. Une droite assez branlante, Wall Street, Washington, si vous voulez. Parce que Washington est mené par Wall Street. Oui. Bon. Alors, deux bombes atomiques, ça suffit. Alors, il faut trouver une autre capitale. Nous allons revenir à la question dans quelques instants. Il est 11h21. Alors, nous allons continuer. Monsieur Arcan, je sais que plusieurs centaines de nos auditrices vous connaissent déjà. Ça dépend de l'âge, vous savez, de nos auditrices. Mais il y a encore des auditrices qui, étant extrêmement jeunes, ne vous connaissent pas. Si vous le voulez, nous allons faire un retour dans le passé. Vous êtes né tout d'abord en 1919. Le 3 octobre, à Montréal. C'est-à-dire en 1889. 1889, oui. Dans le cœur de Montréal. Sur la rue Chaussée, qui s'appelle aujourd'hui rue des Érables. Ah, la rue a changé de nom. Oui, ça a changé de nom. Et dans la paroisse de l'Immaculée Conception. Comté de Sainte-Marie. Le vrai cœur de Montréal. Oui, et vous avez fait vos études à quel endroit? J'ai fini à Saint-Stanislas, ma 12e. Ensuite, j'ai fait mon cours classique, Saint-Jean, Collège de Montréal. Oui, et vous êtes entré au service du journal La Presse. Hein? Non, voici que j'ai commencé. Première année, je voulais être ingénieur chimiste. Alors, quand j'avais fini mon après-midi de philo au Jésus, je courais prendre des cours spéciaux avec des professeurs de McGill. La grippe espagnole, je l'ai prise, 9 mois sur le carreau. Quand je me suis relevé, j'avais eu une mémoire de singe, je l'avais perdue. Il n'avait plus. Alors là, j'ai commencé journaliste. À la patrie, oui. Quelques semaines au Star, puis à la presse. Où ensuite, ben, nous avons fondé avec Spencer, bon, côté, nous avons fondé CKC. Ah, vous avez été un des pionniers de ces cas. C'était la première heure en 1923. Ah, alors c'est intéressant, au moment où les radios étaient encore des appareils à cristal. C'était le premier français dans toute l'Amérique du Nord. Il n'y avait que Marconi, CFCF, qui existait à ce moment-là. Et combien étiez-vous d'employés, alors? Le scientiste. Des employés à ce moment-là. Les techniciens, annonceurs, tout ça. Les choses ont bien changé depuis ce temps-là. Maintenant, M. Arcand, vos idées politiques, vous avez commencé à les émettre à quel âge? J'ai commencé en 30. Voici. J'avais fondé une organisation patriotique qu'on appelait l'Ordre des Gobelus, dont le membership a monté jusqu'à 84 000 membres. Et ça, voici pourquoi. C'était un petit peu comme tous les autres partis fascistes ou nazis. Ces mots-là, mon or, vous savez. Nazi veut dire national. Ce sont les deux premières syllabes du mot national. Moi, j'honore ma nation, son cœur national, son esprit national, son nationalisme. Et ceux qui ne sont pas ça sont des internazis, des internationalistes, qui veulent que le contrôle de leur nation tombe dans les mains d'étrangers, d'internationaux. Alors, on ne m'insulte pas quand on me traite de nazi ou de fasciste. Alors, il y avait eu un assaut mondial internationaliste venant de Moscou. Et à cet assaut mondial, internazi, international, cet assaut a suscité dans tous les pays du monde une réaction nationale, qu'on l'appelle franquiste avec Franco, naziste avec Hitler, fasciste avec Mussolini, rexiste, métaxiste, cousiste. C'était la même chose partout. Nous ne voulons pas être conduits, nous nationaux, par des étrangers antichrétiens internationalistes. C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Oui. Et quand je vois aujourd'hui de notre belle jeunesse, enfants de la civilisation occidentale et chrétienne, se faire les champions d'une barbarie, d'une anti-civilisation, croyant être des leaders alors qu'ils ne sont que des tout petits suiveurs, comme on dit, et quand on c'est pénible. C'est pénible. Et qu'entendriez-vous par anti-civilisation? Et voici. Je vais vous le dire, on m'a posé la question déjà. À Radio-Canada, on n'a pas voulu que ma réponse passe. Quelle est la différence, M. Arcand, vous qui êtes un chef de droite, d'extrême droite, quelle est la différence entre la gauche et la droite? J'ai répondu, il faut regarder où conduit la gauche, à l'extrême gauche. Alors, regardez Cuba, regardez Moscou, regardez Pékin. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas d'âme humaine, il n'y a pas de droite sacrée de la famille, il n'y a pas de nécessité de religion, pas de propriété privée, pas d'initiative personnelle, pas d'entreprise libre, pas de marché libre. Alors c'est une négation destructrice de ce que la droite affirme. Il y a un Dieu, il faut la religion, il y a une âme humaine, il y a la propriété privée, les droits sacrés de la famille, etc. Et qu'est-ce qu'ils nous offrent en retour de ce qu'ils détruisent? Les pays prisons. Tout le monde est égal, comme au pénitencier. Tout le monde se lève à la même heure, a la même bouillotte le matin, se couche à la même heure, a le même salaire. Mais n'escaladez pas le mur de pierre, vous recevez une balle dans le dos. C'est de l'esclavage qu'on conduit par le terrorisme. Il n'y a plus de liberté. Alors, c'est ça. C'est une barbarie, une anti-civilisation, parce qu'elle ne propose rien de positif autour de ce qu'elle veut détruire. C'est ça la différence entre la gauche et la droite. Et quand je parle de barbarie, d'anti-civilisation, et la nôtre, la chrétienne, c'est l'apogée de tout ce que le génie humain a produit. Regardez toute la somme théologique, catholique ou protestante de l'Occident. Regardez toute la jurisprudence civile, la jurisprudence criminelle, mais c'est l'apogée du génie humain. La fugue en musique. Les Ignace de Loyola, les Thérèse de l'Enfant Jésus. Allez en Afrique aujourd'hui, aux Indes. Enlevez-leur ce que l'homme blanc a mis là. Dispensaires, hôpitaux, même des alphabets, ceux qui n'en avaient pas, des dictionnaires. des ports de mer, chemins de fer, téléphones, télégraphes, universités. Mais c'est l'homme blanc qui a porté ça partout, parce qu'il est le porteur de la civilisation. Et détruisez l'homme blanc, et c'est ça qu'on veut faire, détruire l'Occident. Et pour le détruire, faut détruire l'âme de la civilisation, la culture. Faut détruire la morale. Faut détruire le sens et le respect de l'autorité, de la discipline. Nous allons revenir à la question, oui, monsieur Arcan. Je remarque une chose, monsieur Arcan. Vous êtes devenu philosophe. Alors que... monsieur, quand je suis en politique, oui, il faut l'élément démagogique. Vous êtes dur. Pour réveiller la foule. Oui. Non, je ne suis pas dur. La vérité, c'est ce qu'il y a de plus brutal sur la Terre. Autant le mensonge est ténébreux, qu'ôte-le. Autant la vérité veut la lumière. Elle est brutale. C'est pour ça qu'on la présente comme une femme nue. Supposons que vous frappez une porte, la porte s'ouvre et vous voyez une femme nue. Mais c'est brutal, ça. Vous la voyez telle qu'elle est. Sans qu'elle cache rien. Mais la vérité, c'est comme ça. C'est pour ça que quand les artistes veulent l'idéaliser, la représenter, bien, ils la présentent toujours comme une femme nue. Notez bien ce numéro de téléphone, 861-5426, 861-5426. C'est le numéro de téléphone qui vous permettra de faire face à l'automation. Plutôt, nous avons un autre message à 11h10. Ici Pierre Chouinard-Sinoué. Dans ce retour dans le passé, vous avez donc fondé un mouvement qui avait pour nom... Le Parti National Social Chrétien. C'était parce que national contre l'internationalisme, social pour régler la question sociale, et dans le sens chrétien. Parce qu'aujourd'hui, socialisme, il y en a deux sortes. Les Russes disent, nous avons l'international socialisme. Hitler disait, j'ai le national socialisme. Il y a une très grosse différence. Alors, il se passe, il y a deux formules de régler la question sociale. Une qui s'appuie sur notre civilisation, son esprit, son génie, et l'autre qui s'appuie sur l'anti-civilisation et sa barbarie. Voilà. Alors donc, vous avez formé ce parti. La guerre est arrivée, que vous est-il alors? Ah bien, avant ça, d'autres partis s'étaient suscités dans les autres provinces. Nous nous occupions surtout de questions fédérales. Provinciales ne nous intéressaient pas, parce qu'en temps de guerre, ça ne compte pas le provincial. D'accord. L'armée garde la gazéline pour elle, puis vous n'avez même pas d'autobus entre Montréal et Québec pendant une guerre. Alors, nous sommes tous fusionnés à Kingston en 1938 sur un programme commun, des emblèmes communs, et là j'ai été choisi chef national du National Unity Party of Canada, le Parti de l'Unité Nationale du Canada. Un parti qui est monarchiste, anti-séparatiste, pro-anglais, puisque nous en sommes, comme je vous l'ai dit autrefois, nous sommes des Saxons dans notre conception de la liberté, de la vie et de la mort, par le code criminel, et nous l'aimons parce qu'il a été fait par des barons catholiques normands qui sont allés en Angleterre l'imposer, et nous sommes des Latins par notre code civil. Nous partageons des deux génies. Alors c'est pour ça que nous sommes pro dans le Canadien, si je puis dire. Oui. Et pour tout ce que notre civilisation affirme. Et notre parti est en guerre contre tous les autres partis du Canada. Parce que nous voulons le corporatisme qui signifie l'élimination de tous les partis politiques et leur remplacement par les classes sociales. Corporatisme. Oui. Vos idées étaient acceptées par certaines personnes. Mais par contre, vous avez été mis à l'ombre lorsque la guerre s'est déclarée. Mais moi, mon cas est celui de Hood. Camillien Hood avait dit, si vous signez la carte d'enregistrement, ça veut dire conscription. Est-ce que c'était vrai ou si c'était faux? C'était une vérité. Il n'y a aucun jury au monde, aucun tribunal qui aurait pu condamner Camillien Hood pour avoir dit la vérité. Mais il ne fallait pas qu'il le répète. Alors, comme on ne pouvait pas le juger, on l'a pris puis on l'a amené sans jugement, sans procès, sans sentence, au camp de concentration où il a passé 4 ans et quelques mois. Et vous dites qu'on a... Et moi, j'avais dit avant la guerre, une guerre s'en vient, inévitable, elle va nous être imposée, et le but de cette guerre, c'est de détruire l'Empire anglais et tous les empires qui s'appuient sur lui, les empires de l'homme blanc, et répandre le communisme dans le monde entier. Ben, ça fallait pas que ce soit répété pendant la guerre. On pouvait pas. On a essayé de me faire un procès. Et on a dit, enquête préliminaire à journée sine die. C'est la première chose qui est condamnée dans la Magna Carta puis le Bill of Rights. N'avait pas droit au nom de la justice expéditive. Et moi, mon enquête préliminaire a été ajournée pendant 5 ans et demi, imaginez-vous. Alors, pendant ce temps-là, vous Et après, ou... quand je suis revenu devant le juge en chef de la Cour de session, j'ai dit, il me semble que ce serait raisonnable qu'après 5 ans et demi, mon enquête préliminaire soit continuée. Il me dit, dans le jugement écrit, très élaboré, le seul fait d'ajourner une enquête préliminaire sine die signifie qu'elle est rejetée hors du rôle. Alors, on n'avait pas osé nous acquitter. Pouvait pas. Alors, on nous a ajourné sine die. Et quand on a voulu poursuivre le gouvernement fédéral pour despotisme, enfin tout, ruine de santé, ruine des biens, il nous a répondu, « King can do no right, vous ne pouvez pas nous poursuivre. Vous ne pouvez pas poursuivre le roi. » Et ça, M. Lebel, ça peut vous arriver demain s'il y a une guerre qui éclate. Sur un simple téléphone anonyme, on peut vous amener au camp de concentration, sans accusation, sans jugement, sans procès. Et là, on va vous questionner pendant des 10 et 12 heures sans arrêter, afin de trouver une phrase dans vos réponses qui pourraient justifier votre internement. Nous allons revenir à la question immédiatement après les nouvelles. Ah, c'est la charmante petite Michèle Richard qui nous dit « Je suis libre ». Qui est communiste. Après l'avoir étudié un peu, parce que je crois que vous êtes observateur. Voici, madame. Il y a énormément plus de communisme qu'on croit. On les croit, après quoi? Il y en a partout. Partout, partout. Voici. Staline a dit un jour, un professeur d'université qui parle dans le sens du communisme vaut 500 imbéciles porteurs de cartes du Parti communiste. Un général d'armée qui parle dans notre sens vaut mieux que 100 idiots porteurs de cartes qui ne sont bons que recevoir des coups de bâton par la police. Maintenant, le manifeste de Karl Marx et le Parti communiste enseigne, par exemple, la religion et l'opium du peuple. Il faut la détruire. Si je parle dans ce sens-là, madame, sans être un communiste, ni avoir une carte du Parti communiste, je fais le travail du communisme. Même chose si je parle contre l'initiative privée, contre la propriété privée, contre, enfin, tous les postulats de la civilisation occidentale et chrétienne. Pas besoin d'avoir sa carte de Parti communiste pour être membre du peuple, pour faire l'œuvre communiste. Et généralement, ceux qui parlent le plus fort, qu'on appelle les intellectuels, il y a un grand professeur américain, dernièrement, essayait de trouver la définition d'intellectuel. Il a demandé ça à 2000 personnes. Il a fini par dire ceci. Un intellectuel, dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a étudié plus que la capacité de son intelligence. C'est à ça que ça se résume. On trouve de tout sauf du bon sens. Le beau gros bon sens commun qu'on trouve dans le peuple, dans la populace. Ça vous suffit, madame? Oui. Tous ceux qui sont dans le christianisme, là, qui croient en Dieu, différentes religions, on peut toujours en avoir confiance. Ben voici, madame, il y en a qui croient en Dieu puis qui pratiquent la religion et qui, quand même, préconisent les postulats du communisme. Croyant être dans la bonne voie, je ne doute pas de leur sincérité, mais il manque de ruse, de prudence. Vous savez, notre Seigneur a donné un commandement. Soyez candide comme la colombe, rusé comme le renard et prudent comme le serpent. On se contente d'être gaffe comme des oies et on oublie la prudence et la ruse. On se contente d'être suivi aussi. C'est ça. Maintenant, que dites-vous pour changer le contexte un peu? Qu'en pensez-vous de le nouveau pape qui demeure dans l'Antide? Benoît, je ne sais pas trop qui, hein? Monsieur Lebel doit le savoir. C'est pas un pape, c'est une soupape, madame. Voilà, madame. Parfait, merci. Bonjour. C'est KLM. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sarkin. Bonjour, madame. Savez-vous, vous nous effrayez, là, quand vous savez, c'est pénible, c'est terrible. ce qu'il y a de pire sur la terre, madame. Pardon? La guerre, c'est ce qu'il y a de pire sur la terre. Ce sont des hommes qui s'organisent pour tuer d'autres hommes. C'est ce qu'il y a de plus terrible. Même les enfants y contribuent, les vieillards, les infirmes, par le rationnement, par les plafonnements. Elle est totale, la guerre moderne. Mais savez, monsieur, quand la bombe atomique, le Canada y passera, que ça va leur donner, ça, la terre va venir stérile. Madame, ce n'est pas le Canada qui veut la guerre. Non, mais il est pas ça. Mais il y en a qui veulent amener le Canada comme colonie de la barbarie. Ce sont eux qui sont les agresseurs. Mais tout est évolué, tout est bouleversé dans tous les pays. C'est évident, madame. La terre viendra stérile, c'est ça, je peux pas comprendre. Les êtres humains, c'est pas pour tuer sur la terre seulement pour souffrir. Mais il y en a, madame, qui ne considèrent les êtres humains que comme des animaux. Bien, savez-vous qu'on est une génération qui est pénible, on va connaître la troisième guerre. J'espère que vous vous trompez, monsieur, ça ne déclarera pas, parce que ça va être affreux. Ben, madame, si vous lisez l'Apocalypse, par exemple, on parle de 500 000 chevaux de fer crachant du feu. Ben, pour moi, ça ressemble à des teignes de guerre, ça. On parle du feu tombant du ciel qui anéantira de grandes cités. Ben, ça ressemble pas mal à la bombe atomique. Et on dit que ça va venir. Et puis, les capitalistes, là, ils vont frapper là, hein? Ben, il faut entendre qu'est-ce que c'est qu'un capitaliste, madame. Voici. Prenez deux jeunes ouvriers du même âge qui travaillent côte à côte dans la même usine pendant 10 ans. Il y a un jeune couple qui dit, ben, en profitons donc de la vie, promenons-nous le dimanche. Ayons un peu de luxe. D'ailleurs, c'est pas mal. L'autre dit, économisons donc. Privons-nous. N'allons pas au théâtre. N'allons pas ici et là. Et au bout de 10 ans, ils ont 20 000 $ en banque. Voici un capitaliste, madame. Ce capital-là est une somme de privation que ces gens-là auraient pu dépenser pour le plaisir de la vie, pour jouir de la vie. L'origine du capital, madame, c'est l'économie, c'est la privation personnelle. Mais on entend parler des gens cultivés, puis l'éducation, puis... Écoutez, madame... Les gens ont des jugements, ouais. Prédicons, les gens font savoir. L'érudition... Les gens parlent, sont méchants. Écoutez, madame, l'érudition ne veut pas dire bon sens. Il y a des gens qui ont un bagage de connaissances, puis qui viennent vous dire, comme on voyait dans le journal cette semaine, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Il n'était rien que dans le coma, donc il n'est pas ressuscité. Alors, le christianisme, c'est de l'imposture. Bon, alors ils viennent nous dire ça. Mais ce sont des prétendus savants. Ils ont 32 doctorats et 25 licences, ces gens-là, madame. Il y en a d'autres qui disent qu'on descend du singe. Ils ne l'ont jamais prouvé. Ils n'ont jamais trouvé l'être intermédiaire entre le singe et l'homme. Tous les 20 ans, ils arrivent avec une tête, une caboche nouvelle. Bien, c'est justement, ça ne veut pas dire, à chaque génération, ils essayent de fanter des choses. Ça ne veut pas dire c'est la vérité, ça. Ben oui, mais alors, madame, ce qu'on appelle les savants, il faut distinguer. Prenez, par exemple, au temps du prophète Isaïe, il a écrit ceci. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu sont des fous. Ça, c'est Isaïe qui a dit ça. Ben aujourd'hui, dans la moitié du monde, on dit ceux qui disent qu'il y a un Dieu sont des fous. Ben moi, j'aime mieux être du côté d'Isaïe. Je pense qu'il était plus sage que tous ces grands savants-là. Vous savez, les académies soviétiques, là, les grands académiciens, mais ils passent leur temps à faire des livres pour faire la guerre à Dieu. Ben rien que ça, c'est la preuve, ce sont des insensés. S'il n'y a pas de Dieu, ben pourquoi y faire la guerre? C'est comme si moi, je levais des troupes pour aller combattre contre le bonhomme Satan. Moi, je passerais pour un fou. S'il n'existe pas, j'ai pas d'affaire à le combattre. Alors, voilà, madame. Les neufs sont des peurs, monsieur. Oui, alors... Bonjour. Les appartements Lucerne et les Zénith électroniques qui nettoient des tissus les plus délicats. La buanderie Saint-Hubert. Bonjour, M. Lebel. C'est un bien, c'est un beau. Pardon? Bonjour, M. Lebel. Bonjour. J'ai dit, ce n'est pas une belle, c'est tombeau ce matin. Oui, alors... Allez-y, monsieur. Bonjour, M. Lacan. Bonjour, monsieur. M. Lacan, d'ici, c'est un immigré, enfin, un néo-canadien. Oui. Enfin, j'ai entendu votre description avec M. Lebel. Là, pour parler avec M. Lebel au sujet d'une future guerre. Enfin, au sujet de corporativisme, au sujet de communisme, au sujet de beaucoup de choses. Monsieur Lacan, vous défendez d'une façon concrète le nationalisme, moi aussi je ne le sens, mais je crois qu'aujourd'hui, toutes les communautés doivent être libres, c'est-à-dire doivent être indépendantes, mais disons à l'échelle mondiale, on doit plutôt être unis, je dirais, on doit s'entendre, que ce soit avec le communisme, que ce soit avec tous les pays au monde. Je ne crois pas que nous puissions vivre isolés dans notre petit milieu. Voici, monsieur, Il y en a qui disent « Mieux vaut tomber en combattant pour être libre que de vivre en rampant comme un esclave. Si faut s'entendre avec la Russie, va falloir céder à ce qu'elle veut. Parce que n'oubliez pas une chose, le communisme est en guerre contre le monde entier. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Nous, ben, en Occident, en général, qu'est-ce qu'on voit? Une bataille défensive d'arrière-garde. Mais qu'est-ce que veut l'Occident? Ils ne le savent plus, nos politiciens. Oui, ben, monsieur, c'est pas monsieur Ricard, avez-vous analysé la situation des pays, des zones qui ont été protégées ou qui sont des alliés des États-Unis, ou les zones des pays de l'Occident? Vous avez parlé d'Hitler, vous avez parlé de Franco, de Mussolini. Avez-vous analysé la politique de ce gouvernement-là, qui sont ni plus ni moins, si vous voulez, une thèse du même communisme, c'est-à-dire ils sont nationalistes, mais à leur façon, eux aussi envoient des gens derrière le barreau. Ils le fusillent de quelque façon de tort et à travers. Certainement, je viens d'un pays dans l'Europe et je connais sa situation-là. Oui, mais voici, monsieur. Nous sommes en pleine révolution mondiale. Elle n'est pas finie, cette révolution. Elle a commencé en 1914. Elle continue toujours. Et c'est pour ça que dans cette guerre-là, vous verrez de la torture, vous verrez du massacre, tant que ça ne sera pas fini. Moscou dit « Nous ne pouvons pas marcher si nous n'avons pas le monde entier. » Les États-Unis, prenez les États-Unis, on les critique, hein? Les États-Unis, ça fait 125 milliards de dollars qu'ils donnent à l'étranger. Ça fait deux fois que l'Europe crie « Ben, venez donc régler notre situation, vous autres, les Américains. Venez régler une guerre que nous avons commencée. » Ça fait 100 ans qu'ils se sont organisés, les États-Unis. Ils ont 65 % de la richesse mondiale au monde. Ils aident tout le monde. Ils font crier « Yankee go home ». Alors, oui, mais... avez-vous examiné l'exploitation aussi, disons, que les États-Unis sont dans les pays de l'Europe? Est-ce que vous l'avez analysé? Avez-vous déjà habité les pays de l'Europe puis analysé, disons, la situation vis-à-vis les Américains, disons, à leur point de vue, au point de vue d'exploitation des Américains dans les pays d'Europe? Vous savez, quand ils investissent X, c'est justement pour tenir, pour avoir la main forte sur ces pays-là, pareil. Et que ce soit le communisme, que ce soit les États-Unis, je crois que la situation d'un côté ou de l'autre est la même. Que ce soit le communisme vers les autres pays, que ce soit les États-Unis vers les autres pays, ça n'est que pour absorber ce pays-là, pour le tenir sous ses rênes, sous son pouvoir. Oui, mais tout ça, monsieur, écoutez, c'est la politique qui mène le monde, n'est-ce pas? Bon, voici une Europe qui ne peut plus régler ses problèmes, elle fait appel à des puissances étrangères. Alors, elle a fait appel à la Russie pour se défendre et elle a fait appel aux États-Unis. Ça veut dire, vous êtes plus gros, vous êtes capable de régler. Alors, l'Europe a été occupée par des puissances extra-européennes. Bon, alors, que l'Europe ne se plaigne pas. C'est elle qui les a appelés. Et ce sont les deux seuls gros... J'admets que l'Europe aille appeler, mais c'est ce que je veux dire au début de ma conversation. Nous avons besoin de l'indépendance des gens au groupe ethnique. Ce n'est plus possible, monsieur. Mais nous avons besoin aussi de l'union à la grande échelle mondiale. Oui, mais c'est-à-dire l'union. Les États-Unis eux-mêmes ne peuvent pas vivre sans personne. Si vous voulez, on analysera les cas de Cuba, disons, au point de vue des États-Unis, en ce sens ici. C'est que les États-Unis ont refusé, disons, à Cuba tout appui, toute chose, enfin, parce que Cuba a exproprié toutes les usines américaines, puis ainsi de suite. Ben oui, mais écoutez, monsieur. Intenable en ce sens ici. Nous avons payé le sucre, disons, puisque Cuba, c'est le pays le plus grand exporteur de sucre au monde. Vous le connaissez certainement encore mieux que moi, puisque vous êtes plus vieux, puis vous êtes dans une vie connexe à des informations, tandis que moi, je suis simple ouvrier. Mais disons que Cuba, en coupant les relations, les États-Unis en coupant les relations avec Cuba, qu'est-ce qui s'est arrivé? Une crise dans le sucre. Nous avons payé le sucre ici à des prix énormes. À cause de qui? À la faute de qui? À la faute de nous-mêmes, de Cuba, des États-Unis, de qui? Je ne sais pas. Écoutez, finalement, je sais que nous avons payé le sucre plus cher. Est-ce qu'il ne faisait pas avoir une entente? Les États-Unis maintenant ont du sucre de Cuba pareil. Mais d'où vient-il à travers le Canada, puis ça va aux États-Unis? Monsieur, le Portugal, qui est mon pays d'origine, je vous le dis d'où je viens, il ne vend pas de liège à la Russie directement, mais il la vend à un autre pays pour qu'il l'exporte en Russie. Alors pourquoi le Portugal ne fait pas le marché direct? Pourquoi les États-Unis ne font pas le marché direct, que laisser les gens de la place? D'accord, sont très bien, et je suis d'accord à l'échelle internationale, mais pourquoi ne pas laisser à l'interne régler les problèmes d'eux-mêmes? Monsieur, quand vous vous mariez, vous voulez la liberté de votre maison, de votre femme, de vous-même. Vous voulez pas que vos parents viennent vous échaler à chaque minute. Vous êtes adultes, vous voulez que vous gouverniez, vous voulez vivre. Alors pourquoi ne pas laisser ces gens-là faire la même chose, tout en leur donnant des conseils, voici, tout en essayant de les aider? Bon, voici. Vous vous plaignez que les États-Unis ne veulent pas coopérer avec Cuba. Oui, mais laissez-moi vous répondre. Vous dites que parce que les Cubains ont confisqué les propriétés des Américains qu'il y avait là. Maintenant, si moi je vais vous enlever votre petite maison, si je vais vous enlever votre auto, est-ce que je peux me plaindre après que vous refuserez de coopérer avec moi? Pas du tout. Les Cubains ont... Non, mais écoutez bien. Là. Les États-Unis. Oui, juste un petit moment. Nous allons laisser M. Lacan répondre et ensuite nous reviendrons à vos questions. Alors, allez-y, monsieur. Alors, les Cubains ont volé pour 4 milliards d'usines aux Américains. Et ils voulaient que les Américains coopèrent avec eux. Ça serait dire reconnaître le vol qui a été commis. Les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Ils sont pas si stupides. Les Russes font la même chose de leur côté. Il n'y a que deux puissants. En politique, voyez-vous, écoutez bien, là. La base même de la politique, c'est ceci. Et c'est le cas du Canada. Le Canada a des frontières plus grandes que les États-Unis. S'il est attaqué, le Canada ne peut pas se défendre. Seuls les États-Unis peuvent venir le défendre. Alors, il y a un principe primordial politique. Protego, ergo, obligo. Je te protège, donc je commande. C'est pour ça que politiquement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous sommes une colonie américaine. Parce que notre vie défendue en cas de guerre. Et la politique, c'est une action en vue de la puissance. En vue de la puissance. Et si vous attaquez un mauvais ennemi, vous dépassez votre puissance au dépens d'une autre. C'est pour ça que l'Angleterre, Churchill, après la guerre, dit « We killed the wrong pig ». Il s'était trompé d'ennemi. Il avait gaspillé sa puissance au profit d'autres qui sont la Russie et les États-Unis. Et ce n'est plus le plus grand empire du monde, ce n'est plus le banquier du monde, ce n'est plus le master of the seas à cause de ça, they killed the wrong pig. Ils se sont trompés d'ennemi. Voyez, M. Lacan, je suis d'accord, disons, avec vous, au point de vue que les États-Unis ne peuvent pas être à la main dans la main avec Cuba. Mais pourquoi faire une bataille énorme? Pourquoi ne pas essayer de négocier plutôt que d'essayer? Parce qu'à ce moment-là, quand tout a fait que ce que vous avez dit tantôt, vous avez admiré Hitler à sa façon de vivre, vous avez admiré Franco à sa façon de vivre, puis ainsi de suite. Pourquoi ne pas admirer Castro à sa façon de vivre? Dans ce cas, l'année passée, où il a un an et demi, je crois, il y a un bateau cousin qui est venu ici. Castro est un voleur qui a volé les propriétés installées chez lui. Il ne voulait pas des Yankees. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut plus être indépendant. Oui. En lâchant la tutelle américaine... Hitler n'a-t-il pas fait la même chose avec les Juifs? Écoutez, les Juifs possédaient 60% de tout en Allemagne. Et Hitler disait, je veux que ce soit des Allemands qui mènent l'Allemagne. Oui, mais le Castro a fait la même chose, si vous voulez, dans un autre principe. Attendez, Hitler n'a pas confisqué les Juifs, pas du tout. Quand ils sont sortis d'Allemagne, ils ont pu sortir avec leurs biens. Le professeur Albert Einstein, le communiste, a pu apporter tout ce qu'il avait. Hitler n'y retenait pas. Oui, mais j'en ai regardé un film à la télévision l'autre jour qui me disait tout à fait le contraire. Ah, ben les films, c'est de la propagande, monsieur. Non, ne me parlez pas des films, ça c'est de la propagande. Et c'est fait par les Juifs. Il y a un livre d'Hitler aussi qui dit la même chose. Oui, mais c'est fait par les Juifs, ça. Alors, ils ne sont pas pour le faire dans le sens d'Hitler. Il y a la vérité et il y a la propagande. Il faut faire le choix entre les deux. Mais c'est juste à Premièrement, M. Arcan, je vous dis, je ne suis pas plus pour le communisme que j'en suis pour les États-Unis, parce que je crois à la liberté de l'individu, que je crois à la liberté de groupement. Quand je dis groupement, je dis, disons, au Canada, vous avez deux cultures, je crois à la liberté des Oui, mais voici, monsieur, si vous croyez à la liberté, vous êtes obligé d'être contre le communisme, contre Castro, contre Pékin, dont personne ne peut sortir. Mais c'est les États-Unis, parce qu'à un certain moment aussi, ils font la même chose. Vous faites ce que vous voulez aux États-Unis. Vous faites ce que vous voulez aux États-Unis. C'est soit des voix différentes qui agissent. Vous faites ce que vous voulez au Canada. Tantôt, je vous parlais d'un bateau commun qui est venu ici, puis d'une part des questions dont on a demandé un marin qui venait là. Il y avait un noir qui venait là. Enfin, là, je tombe dans le litige des noirs aux États-Unis, mais je veux me rapporter plutôt à Cuba. Ce n'est pas les États-Unis qui vous visaient dans le moment, parce qu'on connaît très bien l'histoire des États-Unis maintenant, puis je sais que le gouvernement Johnson, et ça autant qu'il peut, éclairer l'idée des noirs. Mais je viens à Cuba plutôt. Nous les aidons, nous aussi les noirs. Nous envoyons nos plus belles filles. Nous envoyons nos plus beaux gars en Afrique se sacrifier pour eux, même dans les léproseries. Nous le faisons, et ça fait des siècles. Vous exposez ce qu'il ne peut dire sur le bateau. Dans le même bateau avec un noir à qui on a demandé comment le régime de Castro était pour lui-même. Vous savez quelle a été sa réponse? Il a dit ceci. Pendant que Cuba était gouverné par Batista, moi je ne pouvais pas penser devant les beaux cabarets avec ma famille et mes enfants. Aujourd'hui, avec le gouvernement Castro, je peux rentrer avec ma famille, je suis noir, je certainement, peux rentrer avec ma famille. Certainement, mais les prêtres blancs sont obligés de sortir aussi. Pardon? Et les religieuses et les prêtres blancs sont obligés de sortir de Cuba. Eux n'ont pas la même liberté. Oui, mais M. Arcan, pour nous, l'Église, le clergé, est-il complètement impune, est-il complètement libre de pouvoir avoir des accusations? L'accusation de quoi? Moi, je crois, disons, le Dieu, celui à qui on doit tant de choses ou à qui on rapporte tant de choses, d'accord? Mais les hommes, est-ce que les clergés n'est-il pas des êtres humains tels Écoutez, que moi? Écoutez, monsieur, d'abord Castro, je le connaissais longtemps avant qu'il arrive au pouvoir. J'avais un beau-frère, moi. Mon beau-frère était ambassadeur du Venezuela, monsieur de Pocatera. Il était en Colombie, un jour où est arrivée la grande affaire contre les Américains et les ambassadeurs. Fidel Castro s'est fait arrêter ce matin-là. Et le journal de la ville, j'en ai une copie. Quand Castro est entré aux cellules de la police, il se frottait les mains en disant « J'ai fait une belle journée aujourd'hui, j'ai tué deux curés. » Ça, c'est Fidel Castro. Et c'est longtemps avant qu'il fût dictateur. Oui, mais ça, les journaux, comme on disait tantôt, c'est de la propagande qui vient de nos côtés ou de l'autre. Faudrait-il qu'on soit devant la réalité? Pour ça, M. Arcan, comment... Mais c'est curieux, monsieur, vous les croyez quand il s'agit d'être pour Castro et vous ne les croyez pas quand il s'agit d'être contre Castro. Non, d'accord, chef, mais c'est ce que je vous dis. Moi, pour pouvoir analyser les choses, faudrait certainement que je puisse être devant les faits, le voir moi-même, faire peut-être comme sentiment. Si vous voulez le voir vous-même, allez-y à Cuba, monsieur. Vous ne savez pas de balle dans le dos en sortant du Canada. De toute façon, M. Arcan, puisque je suis en train d'épouser peut-être trop de temps à la radio, il y aura d'autres qui veulent donner son opinion. Oui, parce qu'il y a certainement des belles qui ont des questions à poser, monsieur. C'est une belle, une belle pour vous, hein? Oui. Alors, je vous remercie beaucoup. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci. C'est maintenant 11h29, à l'occasion de son 10e anniversaire, MD. M. Arcan, n'oubliez pas que le gouvernement que nous avons dans le moment nous amène aux communistes. Quel gouvernement, madame? Le gouvernement de la province du Québec. Ils ont étatisé l'électricité. Là, maintenant, je lisais dans Relation un écrit sur le rapport parent disant, il disait qu'il voulait que le gouvernement gère toute l'éducation et l'instruction et qu'aucune personne n'a rien à dire. Mais voici, madame, depuis 1900 ans, on nous a toujours enseigné que l'instruction, l'éducation, relève d'abord des parents, ensuite de l'Église, et troisièmement, en troisième lieu seulement, de l'État, qui doit remplir un rôle de suppléance. S'il manque d'argent, des édifices, l'État supplée à ses propres citoyens, les parents, qui ont les premiers droits là-dessus. Aujourd'hui, c'est le renversement complet. C'est l'État et lui seul. Alors, ça veut dire que les parents et l'Église perdent leurs droits. C'est le socialisme, madame. C'est le socialisme intégral. Il faudrait faire quelque chose. On ne peut pas se laisser aller. Mais, monsieur Arcan, est-ce que Hitler, lorsqu'il a pris le pouvoir, n'a pas fait la même chose? L'enseignement religieux était obligatoire dans les écoles allemandes. Hitler avait... D'abord, il faut comprendre comment il a posé son régime. Et c'est là qu'on a commencé à crier contre, parce qu'il renversait 200 ans de travail athée, socialiste. Voici ce qu'il dit dans la proclamation de Potsdam, sa première proclamation. Le gouvernement du Troisième Reich proclame solennellement que le christianisme, sous les confessions protestantes et catholiques, a été, est et restera la base morale fondamentale du peuple allemand. Les confessions non chrétiennes ne jouiront pas du droit public. Elles jouiront du droit privé et auront toute liberté en autant qu'elles ne seront pas de menace à la sécurité de l'État. Alors Hitler proclamait le christianisme comme base fondamentale du peuple allemand. Ben ça, ça ne faisait pas l'affaire des incroyants, des athées, enfin des antichrétiens qu'il y avait là. Dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'il n'a pas rendu l'éducation justement une chose obligatoire? Est-ce que le gouvernement ne s'est pas emparé, justement comme vous le disiez tout à l'heure, que les parents sont les premiers, l'Église ensuite et... En troisième lieu, le gouvernement, mais est-ce qu'Hitler n'a pas fait passer le gouvernement en premier lieu? Voici, Hitler a eu la même chicane que Mussolini avait eu avec le Vatican. Et pourtant, c'est Mussolini, avec le traité de Latran, qui a remis au pape sa liberté, son argent et une partie de ses propriétés confisquées par les démocrates libéraux en 1870. Le méchant fasciste a libéré le pape qui avait été emprisonné par les très bons démocrates libéraux. Alors, c'est parce qu'il s'agissait de refaire une jeunesse, lui réapprendre l'esprit de discipline, de respect de l'autorité. Et ça, c'est, il y avait un peu de militarisme dans les écoles. Alors là, ben, il y avait une chicane. Là. Qui doit former la jeunesse? Hitler voulait former leur caractère. Et là, ben, arrivent des conflits inévitables. Et nous les aurons ces conflits-là, nous, quand nous serons au pouvoir et que nous voudrons redonner à la jeunesse le sens de servir pour apprendre plus tard à commander. Le sens du respect de l'autorité. Hitler voulait parler à caractère des gens, mais en fin de compte, c'est contre la liberté, cette chose-là. Chaque personne a un caractère. Madame, où est la liberté en ce monde? Pouvez-vous dire, moi, je ne veux pas faire comme le cheval, je ne veux pas manger trois fois par jour, je ne veux plus dormir, je ne veux pas être malade, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir. Mais on est prisonnier de tout ça, ces choses-là. La liberté, madame, c'est le droit de choisir, pas entre le mal et le bien. C'est entre les meilleures formules pour faire ce que vous voulez. Oui, mais avec le rapport parent, nous n'avons plus aucune façon de... Nous allons devenir des robots. Faut que tout le monde ait la même éducation partout, qu'il n'y a pas de variante comme on avait entre nos collègues. Ça va être comme à Moscou, en 50 ans. Si tu vas prendre nos maisons, puis j'aurais été baptisé la même chose que là-bas. Ouais, voici, madame, le fond de l'affaire, le fond de toute l'affaire. Il s'agit d'établir un monde nouveau avec une planification nouvelle, socialiste. Comme cette planification ne peut pas s'adapter aux lois de la vie, aux lois normales, aux lois naturelles, eh bien, on veut changer les lois pour que le peuple s'adapte au programme plutôt que d'adapter un programme au peuple. C'est ça le fond de toute l'affaire. Oui, mais vous, moi, d'après moi, je ne sais pas si c'est parce que les gens demeurent inconscients, ils ne cherchent pas à savoir, mais madame, les gens devraient réagir. On trompe les gens, on les trompe. Moi, si j'arrive, je vous dis, voici un beau programme du tonnerre, madame. Je vous l'offre. Je vous demande de l'appuyer. Je vais tout remplir, non seulement sans augmenter les taxes, mais en les baissant. Je vous trompe, mais vous allez voter pour ça. Et si vous avez, si vous craignez au point de vue chrétien, si je vous dis, madame, je vous demande de m'élire. Et je vous promets, comme votre chef, qu'aussi longtemps que je serai là, il n'y aura pas de ministère d'éducation publique dans votre province. Vous allez voter pour ça. Oui, mais si on vous en donne un trois mois après, si on vous a trompé. Faut, comme je vous l'ai dit, il faut faire la différence entre la vérité et la propagande. Les députés se représentent sous de fausses représentations. Ben, c'est-à-dire, ils arriveront encore avec de la propagande. La vraie vérité, ils n'existe pas. Elle est crue, elle est brutale, la vérité. C'est pour ça qu'on dit que c'est extrémiste. Mais l'extrémisme n'existe que dans le mal, madame. Est-ce qu'on peut être extrême dans la vertu, dans le bien, dans l'honnêteté, dans la justice? Pas du tout. Mais le moindre petit mensonge est déjà un extrémisme. Le moindre petit vol est déjà un extrémisme. C'est un mot qui ne s'applique qu'au mal, ça. Mais aujourd'hui, on l'applique contre le bien. C'est le monde à l'envers. C'est comme l'autre fois, je regardais à la télévision, des jeunes, ils parlaient de la monkey dance. Il y en a un qui expliquait comment ça se fait, ça, la danse du singe. Ben, il dit, on essaye de copier les gestes du singe. Ben, madame, depuis 6000 ans, c'est le singe qui essayait de nous copier, puis aujourd'hui, ben, on copie le singe. C'est le monde à l'envers. Dans un compte, pour leur rapport parent, il me semble que les gens devraient se réveiller, puis agir, faire quelque chose. En fait, c'est que ça passe, cette histoire-là. Ben, il y a un terrorisme établi, madame. Les gens sont comme une colonge figée qui regarde un serpent, puis on peut le se faire avec. Une personne qui disait que la Lune avait déjà été explorée et que ce sont ces gens qui avaient exploré la Lune qui sont revenus repeupler la Terre. Ça, j'en sais absolument rien. C'était probablement des théories, ça. Vous savez, aujourd'hui, les théories, ce ne sont pas des lois. Quand on dit l'homme descend du singe, c'est une théorie. Ouais. Tandis que quand on a les lois de Lavoisier, les lois de l'électricité, ça, c'est certain. C'est sûr. Ce ne sont pas des théories. Je ne sais pas si c'est de mise, le Christ est venu sur la Terre et on dit qu'il avait la science infuse. Alors, comment se fait-il que le Christ n'a jamais rien écrit? Il n'avait pas besoin, madame. Parce qu'il était le Verbe. Il ne s'est contenté que de parler, de faire usage du Verbe. C'est la plus grande... C'est pas, par exemple, qu'en transmettant les messages du Christ, il ne peut pas s'agglisser quelques erreurs? C'est possible, des erreurs de transcription, c'est possible, ça. Mais prenez, par exemple, on a découvert dernièrement... Les manuscrits de la mer morte, hein? Oui. Ça date de quelques années avant Jésus-Christ. Alors, c'est surtout les écrits du prophète Isaïe. Alors, on les a comparés avec nos Bibles d'aujourd'hui, puis c'est exact. Alors, ça, c'est pour vous dire que les erreurs, sont, s'il y en a, sont très, très, très rares. Bon, c'est bien, monsieur, je vous remercie. Alors, de toute façon, madame, laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes inquiète au sujet du rapport Parent. Oui, alors, la semaine prochaine, si vous voulez bien m'écrire votre nom, votre adresse oui. et votre numéro de téléphone, oui. j'aurai un invité la semaine prochaine oui. et je me chargerai de vous téléphoner afin que vous puissiez poser vos objections. Oui, monsieur. Afin d'être bien éclairé, vous savez. Oui, monsieur. Non pas simplement d'un côté, mais des deux côtés. Aux études. En fin de compte, moi, je ne suis pas pour... Je n'empêche pas l'école neutre, mais je ne suis pas pour ça. Oui. Bon, on vous laisse la liberté de l'être ou de ne pas l'être, madame. Ils peuvent, non. Ils peuvent en être acquis pour les gens qui ont une religion, qui ne veulent pas de religion. Mais la majorité dans la province est catholique. Alors, la majorité est supposée n'importe. Oui. Alors, madame, faites ça, écrivez-moi votre nom, votre adresse, en me rappelant, évidemment, qu'il s'agit d'une question sur le rapport parent. Oui, et la semaine prochaine, nous aurons un invité et je me ferai un devoir de vous téléphoner l'une des premières. C'est bien, monsieur. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Un moment. Madame, je sais que votre mari rêve de changer sa voiture. En ce cas, pourquoi ne l'amèneriez-vous pas chez Moufette? Rendez-vous. Monsieur, tu pourrais contrebalancer celle de ce matin? Ben, certainement, madame, pourquoi pas. On a l'habitude, à nos micros, de présenter toujours les deux côtés de la médaille. Monsieur Arcan, ce matin, exprime ses idées, c'est son droit. Il y a beaucoup de points qui pourraient nous faire discuter, hein? Oui, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Monsieur Arcan. Je dois le mentionner immédiatement. Et je crois bien que Monsieur Arcan n'y voit pas d'inconvénient. C'est qu'il défend... Il défend, et il, c'est-à-dire, il défend une chose qui s'est passée en Allemagne durant le règne de Hitler, et il accuse ce qui se passe chez nous, qui ressemble étrangement à ce qui s'est passé en Allemagne. C'est-à-dire le côté, ce côté éducation, enseignement. Parce que Hitler a pris le contrôle, la même chose. Parce qu'il faut que ça change à un certain moment, on peut pas... Oui, est-ce que vous avez une question à poser à M. Arcan? C'est ce que je voulais vous demander, excusez-moi. Ah bon, alors voilà. Merci, madame. C'est KLM, oui? Oui, M. Arcan. Oui, madame. Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de sens dans ce que vous dites. Le gouvernement canadien s'adresse souvent aux États-Unis pour des emprunts. Maintenant, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, on est toujours prêt à faire des démonstrations auprès de l'ambassade américaine. Puis d'un autre côté, on ne voit jamais de démonstration à l'ère de façade soviétique contre le mur de Berlin. et l'oppression sur la liberté de pensée des gens qui vivent sous le régime communiste. Les démonstrations anti-américaines, madame, sont suscitées par les puissances anti-américaines. C'est là qu'est la source. Et beaucoup de nos jeunes gens ne s'en aperçoivent même pas. D'ailleurs, je crois que le communisme est un tout groupement révolutionnaire. On en a eu des preuves dans des pays d'Afrique et au Cuba. Quand Castro ne s'est pas entendu aux États-Unis, les communistes étaient toutes là prêtes à lui donner un coup de main. C'est évident, c'est une bataille mondiale sur tout le globe terrestre entre la civilisation et la barbarie, l'anti-civilisation. Je voulais vous demander ce que vous pensez de M. Rockwell. Je crois que c'est un agent provocateur. Il m'a souvent écrit « Je ne veux pas même que ma signature apparaisse dans ses bureaux ». Et j'ai vu des chèques, des photostats de chèques, endossés par lui, et qui venaient de sources qui l'attaquent. Voilà, madame. C'est pas mal radical, hein? Bien. Oui. La vérité, elle est radicale, elle est brutale, la vérité, madame. C'est très bien, merci. Bonjour, madame. Maintenant, M. Arcand, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous pensez de ces guerres raciales, on dit, de la discrimination? Voici, monsieur. Là, on parle beaucoup de discrimination contre les nègres, aux États-Unis. D'après les statistiques mondiales, le nègre aux États-Unis a le quatrième standard de vie au monde. La moyenne de son salaire est plus haute que la moyenne du salaire de l'Italien en Italie. Il y a des nègres qui vivent dans des maisons de 100 000 $ aux États-Unis, qui font 50 000 $ de revenus par année. Le docteur Martin Luther King est un homme très en moyen, qui a un plus gros salaire que vous et moi, multiplié bien des fois. Mais alors, parlons de discrimination. Oui. 1 million de Français se font chasser d'Algérie par les Arabes, renvoyés en France. C'est de la discrimination raciale. Tout le monde a applaudi. Alors quoi? Et ceux qui applaudissent contre l'expulsion, contre le massacre et l'expulsion des Belges du Congo, sont les mêmes à applaudir dans le sens contraire. Ça veut dire, c'est l'esprit, ça. C'est la guerre mondiale contre l'homme blanc. Il a toujours tort. C'est un persécuteur, c'est un massacreur. Au Congo, vous avez eu 2000 femmes le même jour, 2000 blanches violées, religieuses, infirmières, institutrices, des malades opérés même du matin dans les hôpitaux. Mais est-ce que nos étudiants sont sortis en masse pour protester contre ça? Ils ont crié à mort l'homme blanc. Pas à mort le communiste, pas à mort le fasciste, pas à mort à mort l'homme blanc. J'ai chez moi des textes de Joséphine Baquet, la grande cantatrice, qui a même un château en France qu'elle n'aurait jamais eu si elle était née au Congo, et dans laquelle elle fait une conférence contre le racisme. Et dans sa conférence, elle dit « C'est inévitable, ça s'en vient l'extermination de la race blanche ». Voici une antiraciste qui prêche l'extermination d'une race. Expliquez-moi ça. Oui. Vous avez mentionné, pour en revenir à un petit point que vous avez mentionné, c'est que le noir aux États-Unis occupait, au point de vue standard, la quatrième place au monde. Oui. Maintenant, vous avez mentionné, évidemment, Martin Luther King, oui. Là, qui a beaucoup d'argent et tout ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un écart très marqué entre le noir qui a de l'argent et l'autre qui n'en a pas? Ben, c'est comme entre le pauvre Canadien français qui n'a pas d'argent et le riche qui est très riche. C'est la même chose dans toutes les races au monde. C'est pas tout le monde qui a le sens des affaires. C'est pas tout le monde qui a l'ambition d'accumuler. C'est pas tout le monde qui a le génie, enfin, d'administrer. Oui. C'est dans toutes les races au monde. Vous avez même dans les tribus les plus lointaines d'Afrique. Vous avez des rois nègres qui sont très riches, qui se promènent en Rolls-Royce. Et vous avez d'autres pauvres tribus à l'intérieur, mais qui mangent même de la chair humaine. Ça, c'est partout, ça. Ça existera toujours, il y aura toujours des pauvres parmi vous, quoi que disent nos combattants contre la pauvreté. Ici Pierre Chouinard, qui, encore une fois, vous parle au nom des marchés d'alimentation. Hop. Il est maintenant midi moins 11 minutes. On a un autre message? Je vous invite à Sainte-Thérèse. C'est qu'elle aime, oui. Bonjour, Monsieur Arquin. Bonjour, madame. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui, madame, de carrière. Pensez-vous que la liberté de presse existe encore au pays? Ben, voici, madame. Quand j'ai été élu chef du Parti de l'Unité nationale, je suis allé à Toronto pour faire mon maiden speech, mon premier discours. Oui. À mon hôtel sont venus des reporters des trois plus grands journaux de Toronto. Alors, pour prendre une entrevue, j'ai dit, mes amis, je connais le métier. Je connais le sens des journaux. Des fois, vous autres, vous écrivez une chose, mais le patron ne veut pas qu'elle passe. Alors, je vais écrire l'entrevue en quatre copies. Alors, je demandais à chacun sa question. J'écrivais ma réponse, et ça pendant une heure. J'ai remis à chacun le texte des questions posées et de mes réponses. Le soir, dans les trois journaux, sans en manquer un seul, c'était le contraire de ce que j'avais dit. Voici, non, c'est pas possible. C'est un mot, ça. C'est un mot, ça, la liberté de la presse. Le pape ne permettra jamais à un franc-maçon d'écrire les articles de l'Osservatore Romano. Moi, on ne me permettra jamais d'écrire dans la Pravda. Et dans mes journaux, je ne permettrai jamais à écrire, à des communistes d'écrire. Le propriétaire d'un journal, lui, est libre de donner le ton qu'il veut à son journal. Mais les journalistes ne le sont pas. Et il n'y a pas de secret professionnel chez les journalistes. Quand vous allez à la confesse, vous allez dans l'étude d'un médecin, c'est pour lui et lui seul que vous confiez des choses. Mais quand vous les dites à un journaliste, c'est pour que tout le public les sache, pour qu'il les publie. Alors, il n'y a pas de secret professionnel. Alors, le public est royalement trompé. Oui, madame. C'est toujours de la propagande. C'est écœurant. Excusez le mot. Mais c'est vrai, Tio. Un instant, madame. Parlant de propagande, monsieur Arcan, est-ce que Hitler n'aurait pas été l'inventeur de la plus monstrueuse machine de propagande jamais mise sur pied par l'homme? Pas Hitler. Est-ce qu'il n'a pas été un artisan de manifestations anti-américaines, monsieur Arcan? Non, non, il n'a jamais été contre les... Excepté quand les États-Unis, lui, ont déclaré la guerre. Il n'a jamais déclaré la guerre aux États-Unis, Hitler. Les États-Unis, lui, ont déclaré la guerre. Il faisait la guerre à Wall Street, la juiverie, au point de vue financier. Il faisait la guerre sur deux fronts, lui. Il disait, les juifs contrôlent le capital et le travail, les internationales prolétaires et la haute banque internationale de l'or. Il les combattait sur deux fronts. Alors, mais pas le gouvernement des États-Unis. Maintenant, c'est le docteur Joseph Paul Goebbels, qui est l'inventeur de propagande, gigantesque. Oui. Des démonstrations de 2 millions d'hommes avec des bannières à la centaine de mille. Et puis tambour. Ça, c'était sa plus grosse forme de propagande. C'était sa plus grosse forme de propagande. Oui. Alors, madame, vous avez une autre question? Oui, M. Arquin. Vous nous reste peu de temps. Oui, êtes-vous pour la séparation de la Grille de l'État? Et je voudrais savoir ceci. Que pensez-vous des déclarations du Dr Billing, sous-ministre au ministère de l'Éducation, concernant sa déclaration publiée dans le Montréal Star du 9 mars dernier, dans laquelle il dit ceci, qu'il faudrait faire disparaître de l'acte britannique de l'Amérique du Nord l'étiquette de catholique romain et de protestant? Que pensez-vous de ça, monsieur? Ça, madame, ça voudrait dire que le christianisme n'est plus religion officielle, reconnue, que les chrétiens ne seraient plus une majorité au pays. L'Église est un domaine, l'État est l'autre. L'Église n'a pas d'armes pour se défendre. L'autel s'est toujours appuyé sur le trône, qui lui tient le glaive. L'État contrôle des citoyens qui pensent quoi? Qui ont une foi religieuse. Ben, l'État est obligé de respecter la foi religieuse de ses administrés. Dans le sens, il n'y a jamais eu de séparation de l'Église et de l'État. Le communisme est une religion. C'est pour ça qu'il abolit toutes les autres religions pour qu'il soit Église-État en même temps. Alors, voilà, madame, le temps mis à notre disposition est maintenant écoulé. C'est regrettable parce qu'on n'a pas entendu beaucoup, M. Arcan, ce matin, comparativement aux autres jours. Oui. Merci. Bonjour, madame. Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, M. Arcan. La bienvenue, M. Lebette. Au revoir. Au revoir. La prière de la Dame de tous les peuples. Seigneur Jésus-Christ, Fils de terre, répands à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'esprit dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples tout un jour la rue, soit notre avocate. Amen. Thank you.